De retour à Futur Simple sur les ondes de CKRL 89.1, Samuel Lauzon au microphone et pour cette deuxième partie d'émission, on s'intéresse aux bleuets, mais surtout à ce qui se passe sous nos pieds. Comme on le sait, l'azote est nécessaire aux plantes. Il circule dans le sol, dans l'air et dans les plantes. C'est un allié précieux pour la production agricole, mais lorsqu'il est mal géré, peut donner aussi un enjeu pour l'environnement. Pour mieux comprendre les grands cycles invisibles de l'azote et du carbone, ainsi que les pratiques de fertilisation durable en bleuetière, je reçois Anthony Pelletier, doctorant en biologie à l'Université du Québec à Chicoutimi. Bonjour Anthony. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Pour commencer, j'aimerais ça en savoir un peu plus sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'a mené vers un doctorat en biologie, vers l'étude particulièrement des bleuetières? Ah, c'est un parcours, je dirais, quand même assez linéaire là, dans mes intérêts. Là, si on recule un petit peu, moi, je suis natif du lac Saint-Jean, puis j'ai toujours été naturellement intéressé par l'agriculture. Donc, j'ai une famille qui est issue de producteurs laitiers, donc de production laitière depuis plusieurs décennies. Puis j'ai comme, avec la biologie qui m'a été comme instruite là, au cégep puis au début de l'université, comme vu d'autres perspectives de ce que c'est que l'agriculture. J'ai rencontré Maxime Paré, professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi, qui est devenu mon directeur lorsque j'ai fait mon entrée au cycle supérieur. Puis au sein de son équipe, j'ai collaboré beaucoup avec la ferme expérimentale de Normandin, donc associée à Agriculture Canada, parce que là, j'ai fait un stage d'été. Puis c'est là que j'ai vraiment vu que la recherche, ça se passait pas du tout comme je l'imaginais, là. Je m'imaginais ça dans les laboratoires, mais là, on allait sur le terrain, l'échantillonnait, le sol. Bref, toucher la matière première en tant que telle. Fait que c'est là que j'ai vraiment eu un déclic au niveau de la recherche. Puis de fil en aiguille, ça m'a mené à un projet au cycle supérieur avec Maxime Paré, là, sur le bleuet sauvage. J'ai commencé à la maîtrise en m'intéressant à différents cycles propres, là. Je parle cycle au singulier, là, du cycle de l'azote en tant que tel. Là. Fait que décortiquer le tout. Puis j'ai passé directement au doctorat en 2022. Donc, on a grossi mon projet pour aller répondre à davantage de questions. Donc, à l'automne 2022, fait que là, j'entame ma quatrième année là, actuellement de doctorat. Donc, des résultats qui commencent à arriver. Fait que Rentrer, c'est un ouais. mélange de tout ça, là, justement, avec le bleuet. Fait que naturellement, ça s'est fait vers le bleuet sauvage, qui est une culture que je connaissais, mais pas sous la facette de la production en tant que telle. C'est tellement bon aussi des bleuets. Oui, naturellement, oui. C'est Naturellement. souvent ça qu'on me dit. ce parcours-là, là, en regardant un peu, en préparant l'entrevue, j'ai vu que ça t'avait amené vers la bleuetière d'enseignement de recherche à l'Université du Québec à Chicoutimi, là, qui a été inaugurée récemment. Puis je me demandais, une infrastructure comme ça, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, dans ta recherche, là, puis ta formation et tout ça, là, c'est quoi que ça apporte? C'est quoi l'importance d'une infrastructure comme ça? Ben, le mot-clé, je dirais, c'est la pérennité. Autrement dit, c'est une infrastructure de recherche qui est là pour rester dans le temps. Puis la recherche, ben, ça prend du temps. C'est plusieurs années. Puis surtout que le bleuet, on en parlera un petit peu plus tard, mais c'est des cycles de production. Évidemment, c'est des années qui s'accumulent pour avoir des résultats. Fait que ça prend du temps à avoir des résultats. Puis j'ai eu la chance de m'implanter sur un premier site, une première mouture de la bleuetière d'enseignement et de recherche de Normandin, qui a été déplacée vers un site là, plus permanent, là, qui est géré entre autres par l'université puis par différents partenaires. Il y a beaucoup, beaucoup de gens là-dedans qui sont impliqués. Puis ça permet d'avoir des dispositifs qui sont là pour le long terme, qui permettent d'aller chercher des distinctions au fil des années en différents traitements, différents facteurs à l'étude. Fait que c'est certain que pour moi, en tant qu'étudiant, ben, c'est intéressant parce que c'est littéralement un grand terrain de jeu qui s'est ouvert à moi et qui dit OK, parfait, j'ai ces parcelles-là, on peut aller creuser, littéralement creuser des questions puis trouver des réponses à ce qu'on veut en tant qu'étudiant. Fait que c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour que ça dure dans le temps puis qu'on puisse répondre à des questions qu'on n'a pas encore autrement dit. D'ailleurs, c'est un peu grâce à cette infrastructure que tu viens de signer ta toute première publication scientifique dans le cadre de ton doctorat. Mais c'était quoi la grande question que tu voulais élucider par cette étude? Bien, si on décortique mon projet là, en différentes étapes, là, je m'intéresse autant au volet environnemental qu'agronomique de la fertilisation là, par rapport à ses impacts sur l'azote dans le bleuet. Fait que là, c'était plus le volet environnemental. Fait que là, on a décortiqué cette question-là avec le lessivage, entre autres, que là, il ne fait pas partie de la publication, mais là, on s'est mis Le l'accent vraiment lessivage, ça, c'est sur. vraiment les nutriments qui sont lavés, si on Exactement. veut, dans le sol, là. C'est ça, lixivier, les laver, lessiver, là, c'est tous des synonymes dans ce contexte-là. Fait que ça, c'est un volet, mais là, nous, pour aujourd'hui, c'était vraiment le contexte des gaz à effet de serre, donc tout ce que le sol va émettre sous forme de gaz à effet de serre, donc autant le protoxyde d'azote, le N2O, le méthane, donc le classique CH4, puis le CO2, le dioxyde de carbone. Fait que ça, c'était les principaux, ce sont les principaux gaz à effet de serre, donc les GES. Puis on a investigué qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fertilise en bleuetière au niveau des émissions sur un cycle complet. Fait que lors de la première année, puis lors de la deuxième année, puisque le bleuet, c'est une phase de végétation où est-ce qu'on fertilise. Puis une année secondaire, l'année suivante, là, on va passer un hiver complet où est-ce que là, on va récolter les fruits. Fait que c'est toujours cette idée-là d'avoir un cycle de deux phases qui dure dans le temps. Fait que nous, on s'est intéressé à quantifier les émissions de gaz à effet de serre, puis à mieux comprendre qu'est-ce qui module ces processus-là dans le temps. Donc c'est toujours, je comprends bien que c'est en 2 ans, donc c'est intéressant ça. Donc une première année où c'est que on fertilise, puis c'est toujours la deuxième année. Fait que dans le fond, moi j'ai des bleuets à la maison. Ça veut-tu dire que je devrais comme les fertiliser un an sur deux? Est-ce que Est-ce mettons, que si c'est on des a des bleuets auditeurs, sauvages ou c'est encore un? ouais, c'est encore un mois, c'est ça. Ah, voilà, Ça, ça c'est c'est. deux. C'est intéressant parce que c'est comme des espèces cousines. OK. Puis ils sont tous les deux dans le genre Vaccinium, mais ils sont pas du tout cultivés de la même façon. Le bleuet sauvage, ben sauvage, il pousse naturellement, fait qu'il n'est pas planté. Le bleuet OK. encore un, ben ça s'apparente plus à par exemple, les je cherche le mot, les camerises, par exemple, ou les OK. vignes là, qui sont plantées, qui sont en rang, là, normalement. Fait que pour répondre à votre question, ben naturellement, il faudrait peut-être tailler les plants pour assurer un OK. bon développement au fil du temps, mais pas besoin nécessairement de fertiliser aux 2 ans dans le contexte du bleu encore un, c'est OK. différent là, du bleu sauvage, Ah, comme OK. dans Bon, ce c'est cas-ci. intéressant. Un petit truc, un Ouais, petit c'est colle. ça. Bon, à savoir un petit truc comme ça en passant. Puis bon, avant d'y aller là, avec les résultats à proprement parler, j'aimerais savoir, c'est vraiment concrètement, ça ressemble à quoi une journée, mettons, de travail sur le terrain? J'imagine qu'ils ne sont pas tous pareils ces journées-là, mais ça ressemble à quoi les mesures pour les gaz à effet de serre? Comment vous faites ça? Comment on a procédé? Bien évidemment, nous, on est situé à Chicoutimi, puis la bleuetière est en Normandie. Là, je ne sais pas si je l'ai mentionné un petit peu plus tôt. Fait qu'il y a quand même un bon 2 heures de route pour se rendre, là. Fait que pour dire que c'est des grosses journées quand on échantillonnait sur le terrain, là, fait que, tu sais, les journées se ressemblaient en termes de temps. Mais en termes d'application de méthode, qu'est-ce qu'on utilisait? C'était une technique avec des chambres. Donc, des chambres qui étaient en plexiglas recouverts d'un, comme ce qu'on mettait à l'époque sur les pare-brises de voiture, là, pour refléter la lumière. Pour pas que ce soit qu'il fasse chaud dans la voiture l'été, c'est le même matériel qu'on utilisait, mais qui recouvrait une chambre en plexiglas, qui était déposée sur une base permanente. Donc, la base a été implantée un peu plus tôt, l'année précédente de l'implantation d'études. Après ça, on dépose la chambre dessus, puis ce qu'on va faire, c'est, en anglais, on dit un build-up, donc une accumulation de gaz, parce qu'on va prélever du gaz par un petit septum au sein de la chambre à toutes les 0, 8, 16 et 24 minutes, fait qu'on se crée un gradient de temps. Puis là, logiquement, l'accumulation de gaz, ben, va augmenter au fil des mesures. Fait qu'avec ça, on peut faire une prédiction de qu'est-ce qu'il y avait comme émission avant qu'on dépose la chambre. Fait que ça permet justement d'avoir une idée de qu'est-ce qui se passait avant qu'on arrive pour échantillonner. Puis on répète ça au fil du temps dans la saison. Puis évidemment, au fil des traitements. Puis après ça, on est capable, avec des différentes techniques mathématiques, d'aller calculer l'émission cumulée au fil de la saison pour dire entre fin mai puis fin septembre, on est capable d'avoir une émission cumulée par unité d'hectare parce qu'évidemment, c'est une surface qu'on connaît. Fait qu'on est capable de déterminer justement c'est quoi l'émission qu'on a observée pour la bleuetière en tant que telle. Ouais, c'est assez clair. Dans le fond, on couvre, si on veut, une partie, puis après ça, comment je peux dire, on élargit ça, si on veut, à une plus grande surface. Puis j'imagine, vous avez des Exact. réplicas, puis... Exactement. On avait quatre blocs, là, fait que c'est 8 traitements, 4 blocs. Fait que, on couvrait une partie de la bleuetière. Évidemment, on ne peut pas mesurer les GES sur toute la superficie parce que ce serait très, très coûteux et très, très long en temps. Fait qu'on fait une extrapolation justement de ces données-là à partir d'un lieu représentatif. Évidemment, en bleuetière, c'est très hétérogène. On est capable de se situer sur des. Les blocs sont pensés conséquemment aussi là, pour saisir cette variabilité naturelle-là. Fait que concrètement, une journée, ben, c'est évidemment. On passe tous ces échantillonnages-là au champ, on change les parcelles, autrement dit, on change les chambres de blocs, puis ainsi de suite. Puis après ça, ben, on envoie ça à un laboratoire qui, eux, analyse la concentration qu'il y avait dans le vial ou ce qu'on a prélevé, parce que tout se fait avec des seringues conséquemment. Puis après ça, ben, le plaisir se transporte au bureau où est-ce qu'on calcule le tout avec différents modèles. Différents modèles. Ah, super. Bon, maintenant qu'on en sait un peu plus à quoi ressemble ton travail sur le terrain, j'aimerais aborder les résultats et plus précisément le constat que tu fais dans ta première publication. En fait, tu dis qu'on surestime largement les émissions de gaz à effet de serre dans les bleuetières, que le facteur de 1% d'émissions normalement utilisé dans les inventaires, ben, est exagéré. Peux-tu nous expliquer ce que représente ce chiffre-là et pourquoi il ne s'applique pas aux bleuetières? Exact. Ben ça, c'est une valeur théorique. Donc, ça date quand même des années début 2000, là, que c'est une valeur que différentes études ont estimée pour différents types de cultures, par exemple, différents des sols sableux, plus argileux, etc. Et on fait des comparatifs de qu'est-ce qu'on observait comme émission. Mais pour arriver à une valeur de 1%, qu'est-ce que ça veut dire le 1%? C'est autrement dit un facteur d'émission. Ça veut dire qu'est-ce que la fertilisation apporte comme azote qui induit une émission de N2O. Dans ce cas-ci, le N2O, ben c'est lié avec l'azote, c'est la forme d'azote qui va être appliquée et qui va ensuite être dégagée sous forme de gaz. Donc 1%, ça veut dire que si on applique 100 kg d'azote au champ, donc à l'hectare, 1%, donc 1 kg, va quitter le champ sous forme de protoxyde d'azote, donc de N2O. Donc ça, c'est la valeur théorique. Pourquoi Théorique. est-ce que nous, on a observé une valeur, là, on est légèrement autour de zéro, là, moins 0,01% de mémoire, là, fait que c'est prêt. On peut dire 0%, ça veut dire que non seulement il y a peu d'émissions, parce que le fait de fertiliser amène pas beaucoup de pertes, mais les conditions sont peu propices. Ça, c'est la première partie de la réponse. Puis la deuxième, c'est qu'il n'y a pas d'effet de traitement non plus. Donc, la fertilisation, si on est à 0%, ça veut dire que par rapport au contrôle, le fait d'appliquer de l'azote en engrais, en fertilisant, ben, il ne va pas induire une émission supplémentaire par rapport à ce qu'on va naturellement retrouver. Fait que comme deux parties à la réponse ici, les émissions qui sont très faibles, on y reviendra, mais aussi l'effet, là, je crois que c'est même dans le titre, là, justement, que la fertilisation n'induit pas d'émissions. C'est ça, c'est vraiment l'élément clé ici. Pourquoi? Ben, on applique des doses qui sont relativement faibles. On applique 50 kg, 50 unités d'azote à l'hectare aux 2 ans. Ça fait pas beaucoup comparé à d'autres systèmes, là, qui sont beaucoup plus gourmands, là, en termes d'application. Mais tout ça est comme on pourrait dire, pas effacé, mais toutes les propriétés du sol en bleuetière qu'on retrouve naturellement, c'est un peu vrai aussi pour les sols forestiers. Là, on est dans les mêmes types de sols, donc des podzols. Mais naturellement, ces conditions-là, donc des sols très secs, donc facilement drainés, donc il y a peu d'accumulation d'eau, on est dans des sols très sableux, une acidité très importante. Tout ça sont des paramètres, là, qui font en sorte que, ben, on va dicter des émissions qui sont très, très, très faibles pour le N2O, dans ce cas-ci, notamment. Ça ressemble à quoi? Ben, je m'y connais vraiment pas, là. Donc, la fertilisation, elle est faite, c'est quoi? C'est des granules, c'est du liquide, c'est quoi physiquement, là? Concrètement, ça ressemble à quoi, cette fertilisation-là? En bleuetière, souvent, c'est une application granulaire, elle est épandue à la surface, là, ben, littéralement à la volée, là, que ça va être déposé à la surface, fait que c'est pas enfoui. C'est pas un sol qui est travaillé. Et vraiment, c'est naturel, c'est pas cultivé, il n'y a pas de rotation de culture, il n'y a pas de travail de sol. Fait que c'est appliqué à la volée, à la surface du sol, où est-ce qu'il n'y a pas de tige, parce qu'ils vont avoir été fauchés à l'automne précédent pour redémarrer le cycle de 2 ans. Fait que là, quand on fertilise au printemps, bien évidemment, il n'y a plus de neige, on est à peu près début juin. C'est un sol qui a une litière à la surface, précédemment observé des feuilles de l'année précédente. Fait qu'évidemment, il n'y a comme rien à la surface, donc on applique granulairement, puis là, les plantes vont émerger des sites là, qui sont déjà connus comme étant propices. Là. En bleu et ça, évidemment, c'est totalement propice, mais même chose en forêt, c'est des rhizomes qui couvrent la surface du sol. Et quand on applique la fertilisation de forme granulaire, ben là, les plants, les rhizomes, les racines vont aller chercher cet engrais-là qui est rendu disponible. Fait que granulaire, tout simplement, parce que c'est la façon idéale pour libérer progressivement l'azote. Progressivement, OK. C'est le mot-clé, je dirais, progressivement, parce que liquide, ben évidemment, c'est trop, trop bien C'est drainé, fait trop que d'un. Moi, je comprends. trop d'un coup. Par exemple, l'urée, qui est souvent appliquée sous forme liquide, ben c'est pas approprié en bleuetière, justement, parce que c'est pas une forme qu'on souhaite pour justement rendre l'azote accessible. Je dis l'azote, mais ça comprend évidemment le phosphore, le potassium et les autres éléments. Fait que conventionnellement, c'est l'engrais minéral qui est sous forme granulaire, évidemment, donc le NPK, là, azote, phosphore, potassium. On a également des engrais plus organiques, là, par exemple le fumier de poulet, qui est également granulé, puis qui est aussi sous forme, même forme, autrement dit, le granulaire facilement rendu disponible. Puis dans le cas de l'étude qu'on discute, ben, c'est évidemment des sous-produits industriels, les bouts de papetière, puis l'anhydrite, également appliqués là, sous forme là, de résidus, tout simplement, qui sont dispensés sur la surface du sol. Fait qu'en bleu terre, ça ressemble à ça au niveau de la fertilisation, là, qu'on retrouve plus conventionnellement, puis plus avec des alternatives un petit peu ici. Puis bon, dans ton article, là, ça montre également que les sols des bleuetières n'émettent pas de méthane, mais qui en capte. Puis là, bon, ça m'intriguait comment que dans le fond, ces sols-là peuvent devenir des puits. Est-ce qu'on pourrait dire même qu'ils seraient des puits de méthane, les sols des bleuetières? Est-ce qu'on Oui, pourrait y aller on pourrait dire jusque-là? ça. Oui, ben, c'est pas un puits important. On parle autour d'environ 2 kg de méthane à l'hectare par année. Là, quand je dis par année, ben, c'est pendant la période qu'on a échantillonné, là. Fait que c'est de fin mai à environ mi-septembre. Fait que ça, c'est l'année pour le jargon agronomique, c'est la période de croissance ou c'est la saison, tout simplement. Fait que c'est autour de 2 kg de méthane qui peut être absorbé, là. Il y a plusieurs mots qu'on peut utiliser, là. Mais le terme puits est opportun parce que c'est substantiel. Autrement dit, on n'est pas en train de s'alterner entre un puits puis une source, un puits puis une source. Une source étant ce qui émet, alors que nous, ben, c'était une émission négative. Fait que ça veut dire que le méthane quittait l'atmosphère pour aller tout simplement dans le sol. Dans le sol, OK. Ça peut sembler surprenant, mais il y avait quand même eu plusieurs études au niveau de la quantification des différentes bactéries qu'on pourrait retrouver en bleuetière, dont une qui a été réalisée sur la bleuetière d'enseignement de recherche. Puis l'étudiant, un collègue de l'Université de Montréal, a déterminé qu'il y avait présence de bactéries méthanotrophes. Donc, OK. méthanotrophes, là, si on décortique le mot, ça veut Ouais. dire tout simplement qu'ils consomment du méthane Consomme, ouais. pour leur métabolisme. Fait que ça pourrait sembler surprenant ce qu'on a observé, mais quand on regarde dans la littérature, il y avait quand même des indices là, qui laissaient présager ça. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'on avait un effet là, entre les 2 années de l'étude, donc entre les OK. deux phases ici, avec une légère augmentation, donc davantage de captation lors de la première année, parce qu'il y a eu la fertilisation, mais OK. encore une fois, il n'y avait pas d'effet de fertilisant. Fait qu'au sein des 8 traitements qu'on avait, là, nos combinaisons de sous-produits, le conventionnel, il n'y avait pas de différence en termes de captation de méthane. Donc, OK. si vous me suivez, ça veut dire que le contrôle, lorsqu'on n'a pas de fertilisation, et le traitement fertilisé, il n'y avait pas de différence au niveau de la captation. En année de récolte, donc la 2e année, un petit peu moins d'azote de manière générale dans le sol, un petit peu moins. C'est probablement un facteur 10, là, parce que c'est tellement efficace pour aller chercher ce qu'il y a, qu'on observe une légère diminution. OK. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans l'étude, il y avait une année plus humide également pour cette année de production-là. Il y avait aussi le facteur tige, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de tige au début de la période de végétation versus l'année de production, il y en a. Fait qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent se produire en même temps, là. Fait qu'on n'est pas nécessairement capable de dire avec De dire, certitude pourquoi, OK, là. je comprends, je C'est ça, comprends. il y a plusieurs mécanismes. Il faut creuser encore à ce niveau-là, Ouais. mais dans tous les cas, il y a captation de méthane Il y a en de quoi bleuetière, qui se passe, c'est bon. c'est ça, absolument. J'ai vu aussi, Anthony Pelletier, que vous avez choisi de mettre votre recherche en image en participant au concours La preuve par l'image, un concours du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, le CRSNG et l'ACFAS. En quelques mots, pouvez-vous nous décrire cette photo et nous dire ce qu'elle raconte sur votre travail? Alors, ce que j'ai choisi d'exposer, là, souvent, c'est des photos qui sont vraiment des grossissements microscopiques, là, qui sont vraiment colorés, c'est magnifique. Mais moi, j'ai opté pour une approche plus simple. J'ai littéralement creusé un pédon, donc une fosse, là, en bleuetière, pour exposer les différents horizons. Fait que ce qu'on voit sur la photo, c'est des bleuets en phase de végétation, donc il n'y a pas de fruits présents. Et sur quoi elle repose? Donc, sur une couche organique typique qu'on retrouve en forêt boréale et en dessous l'horizon le grisâtre, là c'est difficile à décrire à radio là, mais différentes colorations contrastées, donc on a une couche qui est vraiment brunâtre riche en matière organique parce que c'est là que les rhizomes de bleuets, les racines vont se situer Assez mince là juste en aussi dessous là ouais, qu'on assez voit. mince là, ouais, quelques centimètres là, rarement plus de 2 3 pouces, et en dessous une couche là, vraiment fortement lessivée, fait que de coloration grisâtre là, qui s'apparente à une couleur de cendre, fait que ça c'est associé justement au fait que c'est tellement sableux que l'eau s'écoule et entraîne avec elle le fer et différents éléments. Fait que la réduction de cet espace-là, ça se retrouve avec une couche vraiment concentrée en aluminium. Fait que ça, c'est très toxique pour les bleuets, qu'on retrouve un horizon très, très marqué, sous-jacent à l'horizon organique. Et en dessous de cette 2e couche-là, là, on est vraiment dans une couche orangeâtre, où est-ce que c'est davantage rouille. Fait qu'ici, l'oxydation du fer qui est très présent, même titre que de la rouille. Fait que au coup d'œil, ben, on se trouve avec 3 couleurs très, très marquées dans un horizon très, très rapproché. Fait que c'est sûr que moi, c'est ça que je suis allé chercher, une image qui tape à l'œil rapidement. Puis, ah, le sol, Les c'est coloré. C'est couleurs. souvent ça qu'on dit. Le sol est brun. Le sol, c'est, en anglais, ils disent dirt, là. C'est genre de la boue, littéralement. Mais là, dans mon cas, c'est vraiment une juxtaposition de couches de sable de différentes couleurs. Fait que ça tape à l'œil. Puis ça fait des beaux fonds d'écran Oui, tout à fait. aussi. Ça a quasiment l'air d'un gâteau étagé là, ou quelque chose comme ça, là. Absolument. Puis, Fait que ben, c'est ça, pour. j'ai été choisi là, finalement pour t'sais, top 20 provincial. J'ai pas gagné de prix, là, mais en tout cas, je suis très Mais c'est quand reconnaissant d'avoir même. été Ouais, c'est ça, c'est nommé. quand même. C'est cool d'avoir ma photo exposée à différents endroits. Ça, c'est un concours qui se veut vulgariser l'image, la science par l'image. Fait que, tout simplement avec une petite description comme voir un phénomène, un processus. Fait que ça s'y prêtait bien dans le cas de la bleuetière. Et le temps file vraiment vite, mais pour terminer, j'avais envie d'ouvrir un peu sur l'agriculture nordique qui présentement vit un engouement au point qu'un certificat vient tout juste de voir le jour à l'Université du Québec à Chicoutimi. Selon vous, cet engouement pour les bleuetières et plus largement pour l'agriculture nordique représente-t-elle une voie d'avenir pour notre nordicité et pour les enjeux qui se profilent à l'horizon, là, qu'on parle de changement climatique ou de sécurité alimentaire? Bien, ce certificat-là est vraiment, vraiment opportun, parce qu'évidemment, dans la région, on a plusieurs cultures qui sont propres à l'agriculture nordique, comme les pommes de terre, le bleuet, etc. Fait que c'est sûr qu'on peut voir le certificat comme étant une pièce de résistance de plus dans l'établissement de la connaissance en agriculture nordique, parce qu'au sens large, évidemment, les changements climatiques, les modifications de l'environnement qu'on connaît affectent tout le monde, mais c'est sûr que certains systèmes plus uniques ont leur caractéristiques, ont leurs propriétés, puis sont plus ou moins résistantes selon les conditions. Fait que c'est certain que d'aller chercher des connaissances ciblées sur des cultures précises, bien, peut faciliter justement la connaissance. Puis le certificat est là pour allumer la curiosité, de former des étudiants qui vont ultimement peut-être retourner sur le marché du travail comme agronome ou bien continuer au cycle supérieur pour aller creuser des questions de recherche. Fait que c'est certain que cet engouement-là est canalisé par la mise en place d'un certificat qui se veut structurant. Fait qu'en parallèle avec la bleuetière, par exemple, ben, tu sais, c'est deux outils de plus dans tout ce qu'on retrouve dans l'agriculture nordique là, pour les enjeux futurs là, qui pourraient se Qui pourrait retrouver là. aider à répondre à certaines questions. Ben, c'est super intéressant. Je trouve que c'est le fun que ben, qu'au Québec, il y ait un engouement pour ça, cette agriculture La plus du production Nord, locale, puis qu'on exactement. ouais, c'est ça, puis qu'on assume notre nordicité ou je sais pas trop. on Fait peut dire que ça, on peut dire ça. ouais, c'est ça. Ben, un grand merci, Anthony, là, pour cette Avec discussion-là. plaisir. Je trouve que c'était clair puis vraiment intéressant. Puis pour savoir un peu plus ce qui se passe dans le fond en dessous de nos pieds quand on marche dans une bleuetière. Donc, je rappelle que mon invité était Anthony Pelletier, doctorant en biologie à l'Université du Québec à Chicoutimi. C'est déjà tout pour cette semaine à Futur Simple, mais on sera de retour sans faute la semaine prochaine. Pour l'instant, je vous laisse en compagnie de Calypso Lemoine pour En aparté sur CKRL 89.1. Oh, j'aimerais tant qu'ils reviennent les bleus. Ça voudrait dire que la terre, elle est sauvée. Que la chimie, que la finance n'ont pas tout à fait bouffé. Oh, j'aimerais tant qu'ils reviennent les bleus. Oh, j'aimerais tant qu'ils reviennent les bleus. Petite étoile à la crinière du mois de mai. Coquelicot de sang, mon frère, tu as bien fait de résister. Si le retour du petit frère est annoncé, oh, j'aimerais tant qu'ils reviennent les bleus. Tous les enfants, les pauvres ont droit à leur bouquet. Pour les mamans, les filles, les vierges, ce brin de printemps en beauté, ce doux baiser couleur de ciel, les bleus. Lundi, c'est pas demain la veille. Un autre, c'était hier déjà. Il est grand temps que la merveille reprenne sa place ici-bas. Oh, j'aimerais tant qu'ils reviennent les bleus. Et l'on verra tous les poètes décorés d'une turquoise végétale, de l'ordre de la fleur des prés. Est-ce la pinazzouli? Non, c'est un bleuet. Oui, j'aimerais tant qu'ils reviennent les bleuets. Oui, c'est une obsession païenne, un couplet. Dans les refrains de mon enfance, à tout bout de champ était chanté. Et moi, j'imaginais que France était bleue. Bleuet, bleuet, bleuet, blanc comme fossé. Le drapeau de Marseille, Méditerranée. J'ai beau vous voir fleurir sur mer, je vous préfère aux champs de blé. Oh, j'aimerais tant qu'ils reviennent les bleuets. Les bleuets. Milliers de sources souterraines retrouvées. Que sur les chemins on égrène simples poèmes en chapelet. Que reviennent les temps bohèmes. La marguerite dit je t'aime. Le coquelicot, j'en mourrai. Et toi, quand diras-tu bleuet? Et toi, quand diras-tu bleuet? Et lui, et moi, oh, rien qu'un tout petit bouton d'or à la clé. Je te laisserai des mots en dessous de ta porte, en dessous des murs qui chantent, tout près de la place où tes pieds passent, cachés dans les trous de ton divan. Et quand tu es seul pendant ramasse-moi, quand tu voudras, ramasse-moi, quand tu voudras, ramasse-moi, quand tu voudras.